Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie. Dai Niwa. La seule chose qui ait un sens, c'est l'endroit d'où nous venons et celui où nous allons. Mais si c'était ta sœur? Ma tête était complètement vide, comme une baignoire dont on a enlevé la bonde. Votre problème, c'est que votre ombre est un peu effacée. Un jour, tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Deuxième épisode. Le jour de mes 15 ans, je ferai une fugue. Je voyagerai jusqu'à une ville inconnue et lointaine, et trouverai refuge dans une petite bibliothèque. Il me faudra une semaine pour en arriver là, avec toutes les péripéties que cela implique. Tu as pensé que l'anniversaire de tes 15 ans était le jour idéal pour t'enfuir. Avant, c'était trop tôt, et après, il sera peut-être trop tard. J'ai décidé de partir pour le Shikoku. Sans raison particulière, simplement, en regardant la carte, j'ai pensé que c'était là que je devais me rendre. J'ai souvent examiné l'atlas, et chaque fois, ce lieu m'a attiré. Il est situé au sud de Tokyo, bien au large, séparé de l'île principale par la mer. Le climat y est doux. J'y suis jamais allé, j'y ai ni famille ni amis. Aussi, si quelqu'un se mettait à me chercher, ce dont je doute, il n'y a aucun risque qu'il pense à cette région. Quand je me réveille, c'est presque l'aube. Le car roule à une vitesse constante sur l'autoroute. Les chiffres du cadran de ma montre indiquent 4h32. Je vérifie la date et le jour, à tout hasard. Cela fait 13 heures que je suis parti de la maison. Le temps n'a pas avancé trop vite. Il n'est pas revenu en arrière non plus. C'est toujours mon anniversaire. Je vis toujours le premier jour de ma nouvelle existence. Juste après 5 heures du matin, le car bifurque sans prévenir et se gare. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués par le voyage. Nous arriverons à la gare de Takamatsu dans une heure comme prévu. Auparavant, nous ferons une pause de 20 minutes. Merci. On est dans le même car, non? Oui. La jeune fille a de drôles de traits. Absolument pas réguliers. Même pour un regard indulgent. Le genre de visage qui se remarque, en somme. Un visage façonné à la va-vite. Mais l'impression d'ensemble n'est pas mauvaise. Loin de là. Il y a quelque chose d'enfantin dans ce visage qui doit rassurer les gens. T'as quel âge? 17. Qui me rassure moi, en tout cas. Qui te rassure toi? En tout cas. T'es lycéen? Oui. Et tu vas où? Takamatsu. Ah. Comme moi alors. Tu y vas en voyage? Ou tu rentres chez toi? J'y vais plutôt. Moi aussi. J'ai des amis là-bas. Une fille avec qui je m'entends bien. Et toi? Je vais voir de la famille. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. J'ai un frère qui a à peu près ton âge. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. À cause de certains problèmes familiaux. Rapport du Military Intelligence Service, établi le 12 mai 1946, intitulé Rice Bowl Hill Incident, 1944, report, numéro de dossier PTYX-722-89367745-42216-WWN. L'interrogatoire suivant est celui de Juchi Nakazawa, directeur d'une clinique de la ville de à l'époque de l'incident. Oui, j'ai reçu un appel. un peu après 11h du matin, le 7 novembre 1944, émanant du sous-directeur de l'école municipale. Il m'a prévenu le premier parce que j'étais le médecin scolaire chargé de cette école. Il semblait paniqué. Les élèves d'une classe de primaire, partis chercher des champignons sur la colline, se sont évanouis au milieu de la cueillette, m'a-t-il dit. Ils étaient tous inconscients. Seule l'institutrice qui les accompagnait était consciente. Elle était descendue demander de l'aide et venait d'arriver à l'école. Mais elle était sous le choc et ce n'était pas facile de comprendre ses explications. Une chose était sûre, 16 enfants avaient brusquement perdu connaissance sur la colline. Comme ils étaient allés chercher des champignons, j'ai tout de suite pensé qu'ils en avaient mangé des vénéneux. Quand je suis arrivé sur le lieu, quelques enfants avaient plus ou moins repris connaissance et s'étaient relevés. Combien d'enfants ? 3 ou 4, quelque chose comme ça. Je dis relevés, mais ils n'étaient pas vraiment remis de leur choc. La plupart d'entre eux étaient encore étendus par terre, et parmi ceux-là, quelques-uns semblaient commencer à reprendre conscience. Leur corps ondulait lentement, comme de gros insectes rampants. C'était un spectacle plutôt curieux. Les écoliers gisaient, là, chacun dans une position différente. Certains bougeaient, d'autres restaient immobiles. On aurait dit une pièce de théâtre d'avant-garde. J'en ai eu le souffle coupé et suis resté cloué sur place, oubliant ma mission de médecin. C'est étrange à dire. Mais j'ai même eu l'impression de surprendre une scène qu'aucun être humain ordinaire n'aurait dû voir. Sur le moment, ce spectacle m'a littéralement glacé. Tu n'as pas l'air du genre bavard. Quand tu parles, c'est un mot à la fois, pas plus. T'es toujours comme ça? Tu n'aimes pas parler? C'est pas ça, mais... Tu te sens gêné, peut-être? Non. Elle n'est pas très grande, mais sa minceur lui donne une allure élancée. Et elle a pas mal de poitrine. Ses jambes sont nues sous sa mini-jupe de coton beige. Dis, tu n'en veux pas? Moi, la confiture de fraises, c'est ce que je déteste le plus au monde. Depuis que je suis toute petite. Je peux te demander quelque chose? Quoi donc? Et si c'était ta sœur? Je pourrais me mettre à côté de toi jusqu'à Takamatsu. Ça me rend nerveuse d'être toute seule dans ce car. J'ai toujours l'impression qu'un type bizarre va venir s'asseoir à côté de moi. Je voudrais dormir un peu avant d'arriver. Et toi, tu n'as pas l'air d'un pervers. Ça t'ennuie pas? Pas du tout. Merci. En voyage, on a besoin d'un compagnon, comme dit le proverbe. C'est comment déjà après? Après quoi? Après, on a besoin d'un compagnon. Il y a une suite, non? Je me rappelle plus. Et dans la vie de compassion? En voyage, on a besoin d'un compagnon et dans la vie de compassion. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je pense que ça veut dire que les rencontres de hasard sont importantes pour le bien-être des gens, en gros. Il vaudrait mieux retourner au car, non? Ouais, allons-y. À propos, où on est ici? Pas la moindre idée. Les aires d'autoroute, c'est des endroits où on ne fait que passer, finalement. Pour aller de là à là, le nom de l'endroit, on s'en fiche, non? Il y a des toilettes, on y trouve de quoi manger, des néons et des chaises en plastique, des mauvais cafés, des sandwichs à la confiture de fraises. Ça ne veut rien dire, tout ça. La seule chose qui ait un sens, c'est l'endroit d'où nous venons et celui où nous allons. Pas vrai? Il ne s'agissait pas d'une intoxication alimentaire. Aucun ne semblait souffrir. Mais que s'était-il passé, alors? Aucune idée. J'ai tout de suite pensé au gaz, un gaz toxique, naturel ou artificiel, qui aurait paralysé les nerfs. Ne me demandez pas comment il aurait pu y avoir du gaz aussi loin des habitations. Et dans ce cas, quels soins fallait-il leur apporter? Là, je nageais dans le brouillard. Je ne suis qu'un modeste médecin de campagne, comme vous le voyez. Je n'ai pas la moindre connaissance des gaz toxiques. Les enfants évanouis avaient-ils des réactions anormales, à part l'agitation des pupilles ? Non, rien de particulier à signaler, à part leurs pupilles qui balayaient leur champ de vision de droite à gauche comme des projecteurs. Les enfants regardaient quelque chose. Pour être plus précis, ils semblaient ne pas voir ce que nous voyons, nous, mais suivre des yeux quelque chose qui nous échappait. Pas un objet, mais un événement dont ils étaient témoins. Ensuite, les enfants sont revenus petit à petit à eux de façon naturelle, n'est-ce pas ? C'est cela. Quel soulagement. Ils ont commencé par se tortiller, puis ils se sont redressés en chancelant et ont repris peu à peu conscience. Aucun ne se plaignait de douleur, comme s'ils se réveillaient très calmement d'un profond sommeil. Au fur et à mesure qu'ils reprenaient connaissance, les mouvements de leurs yeux redevenaient normaux. Mais il leur a fallu quelque temps avant de pouvoir parler. Malheureusement, un des garçons ne revenait pas à lui. C'était un petit réfugié qui venait de Tokyo et qui s'appelait... Alors comme ça, monsieur Nakata, vous cherchez des chats ? Oui, monsieur Otsuka, des chats perdus. Comme je peux parler avec eux, je me renseigne sur ceux qui sont perdus. Les gens savent que je suis doué pour les retrouver. Alors ils viennent me demander de retrouver le leur. Je n'aime pas aller trop loin, alors je me cantonne à l'arrondissement de Nakano. Sinon, c'est moi qui vais me perdre et il faudra me retrouver. Alors en ce moment, vous êtes en train de chercher un chat. Tout à fait, tout à fait. Nakata recherche une femelle âgée d'un an, répondant au nom de Sésame. J'ai une photo d'elle. Tenez. Elle porte un collier à puce, marron. Oh, oh. Jamais vu cette minette. Vous la cherchez depuis longtemps ? Voyons. 1, 2, 3. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Vous le savez sans doute déjà, mais les chats sont des animaux plutôt routiniers. Ils mènent des vies rangées et il faut qu'il se produise quelque chose d'extraordinaire pour qu'ils changent leurs habitudes. Quand je dis quelque chose d'extraordinaire, je parle du désir sexuel ou d'un accident, l'un ou l'autre. Nakata non plus n'aime pas les changements. Si c'est une question de désir sexuel, cette chatte reviendra une fois calmée. Vous comprenez ce que je veux dire par désir sexuel, n'est-ce pas ? Je n'en ai pas fait l'expérience personnelle, mais je crois que je comprends. Cela a à voir avec le zizi. C'est exact. Exact. Cela a à voir avec le zizi. En revanche, s'il s'agit d'un accident, vous ne la retrouverez peut-être jamais. En effet. Il arrive aussi que, poussé par le désir sexuel, un chat s'aventure assez loin et ne retrouve plus son chemin. Si Nakata quittait l'arrondissement de Nakano, il aurait du mal à retrouver son chemin, lui aussi. Vous feriez mieux d'aller chercher ailleurs. C'était intéressant de bavarder avec vous. Revenez à l'occasion. En général, par beau temps, vous me trouverez dans ce terrain vague. Quand il pleut, je me réfugie sous les marches d'un sanctuaire. Entendu. Merci beaucoup. Nakata a été ravi de parler avec vous, monsieur Otsuka. Je ne peux pas engager la conversation si facilement avec tous les chats. Certains se méfient et prennent la poudre d'escampette sans dire un mot. Alors que je ne fais que les saluer. Oui, ça arrive. Il y a toutes sortes de chats, comme il y a toutes sortes d'humains. Tout à fait, tout à fait. Nakata est bien cet avis. Toutes sortes de chats en ce monde et toutes sortes d'humains. Malheureusement, un des garçons ne revenait pas à lui. C'était un petit réfugié qui venait de Tokyo et qui s'appelait Satoru Nakata, je crois bien. C'est le seul qui était resté couché sur le sol à agiter les pupilles. Dites, vous avez bien dit que vous aviez eu un accident étant petit et que c'était pour ça que vous n'étiez pas très malin. Oui, tout à fait. C'est arrivé quand j'avais 9 ans. Le lendemain, l'écolier n'avait toujours pas repris connaissance. Aussi l'a-t-on conduit à l'hôpital universitaire de Kofu. Et immédiatement après, dans un hôpital militaire, à ce qu'on m'a dit. En tout cas, il n'est jamais revenu dans la région. Et personne ne nous a jamais dit ce qu'il était devenu. Quel genre d'accident ? Nakata n'arrive pas à se souvenir. Il était incapable de se souvenir de quoi que ce soit. On m'a dit que j'avais eu une grosse fièvre, apparemment sans raison, qui a duré 3 semaines. Nakata était inconscient sur un lit d'hôpital où on lui faisait des perfusions. Et quand j'ai repris conscience, je ne me rappelais plus rien. Il ne se rappelait même pas son nom. Je ne reconnaissais pas mon père ni ma mère. Je ne savais plus ni lire, ni écrire, ni compter. Et je ne savais plus à quoi ressemblait ma maison. Ni l'endroit où il vivait, ni l'école qu'il fréquentait, rien. Pas même les visages de ses parents. Il ne savait plus lire. Il n'avait même pas idée de ce que pouvait être le Japon ou la Terre. Nous lui avons amené son chat à l'hôpital. Il l'adorait, ce chat. Nous avons tout tenté pour le faire revenir de ce côté-ci, dans le monde conscient, sans le moindre résultat. Je ne savais même plus mon nom. Ma tête était complètement vide, comme une baignoire dont on a enlevé la bonde. Il était revenu dans le monde ordinaire, la tête complètement vide, pareil à une feuille blanche. Il paraît qu'avant l'accident, j'avais toujours de bonnes notes à l'école. Mais après mon évanouissement, je suis devenu complètement idiot. En revanche, maintenant, vous savez parler avec les chats. Tout à fait, tout à fait. Vous ne me paraissez pas spécialement idiot à moi. Vraiment ? Mais vous savez, monsieur Otsuka, Nakata a beaucoup plus de 60 ans maintenant. Il a eu le temps de s'habituer à être idiot et à ce que personne ne fasse attention à lui. Si je ne suis plus idiot, le préfet va me retirer ma pension et aussi ma carte pour les bus. Si le préfet lui dit « Dis donc, tu n'es pas idiot après tout », Nakata ne saura pas quoi répondre. Alors, il lui semble qu'il vaut mieux rester idiot. Ce que je veux dire, c'est que votre problème, ce n'est pas d'être idiot. Vraiment ? Votre problème, à mon avis, votre problème, c'est que votre ombre est un peu effacée. C'est ce que je me suis dit dès que je vous ai vu. Aussi, je pense que plutôt que de chercher des chats égarés, vous feriez mieux de vous mettre sérieusement en quête de la moitié manquante de votre ombre. À vrai dire, Nakata se rend bien compte que son ombre est trop fine. Les autres ne le voient pas, mais moi, je le sens. C'est bien alors. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me fais vieux. Il ne me reste peut-être plus beaucoup de temps à vivre. Qu'on soit intelligent ou idiot, qu'on sache lire et écrire ou pas, qu'on ait une ombre ou pas, chacun doit mourir quand son tour est venu. Au revoir, monsieur Otsuka. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne santé. Vous de même. La fille a l'air profondément endormie. Et chaque fois que le car prend un virage, sa tête vient s'appuyer sur mon épaule. Puis elle finit par rester là. Je sens son souffle régulier contre ma clavicule. J'abaisse mon regard vers elle et aperçois la bretelle de son soutien-gorge sous le col bateau de son chemisier. Une fine bretelle couleur crème. J'imagine le soutien-gorge en tissu délicat, et les seins doux qu'il recouvre. J'imagine les tétons roses qui durcissent sous mes doigts. Ce n'est pas que je veuille vraiment imaginer tout ça. Mais tu ne peux pas t'en empêcher, alors évidemment. Évidemment, je finis par avoir une érection. Une telle érection que tu te demandes comment une partie de ton corps peut être aussi dure. Je regarde sa poitrine. À chacune de ses respirations, cette partie ronde de son anatomie se soulève et s'abaisse comme une vague. Ça me fait penser à un vaste océan doucement frappé par la pluie. Moi, je suis un marin solitaire debout sur le pont. Elle, elle est la mer. Le ciel est tout gris et à l'horizon, devant nous, il se confond avec la mer, grise elle aussi. Il devient très difficile de les distinguer l'un de l'autre. Difficile aussi de distinguer le marin. Et difficile de distinguer ses fantasmes de la réalité. Et si c'était ta sœur ? Et si c'était ma sœur ? Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Elle doit avoir à peu près le même âge. Ses traits assez particuliers n'ont pas grand-chose de commun avec ceux de ma sœur sur la photo que j'ai emmenée avec moi. Mais on peut pas se fier à une simple photo. Selon la façon dont elle est prise, les visages peuvent être complètement déformés et pas ressemblants du tout. Elle a dit qu'elle avait un frère de mon âge, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Ça n'aurait rien d'étrange que ce soit toi. Et puis, il y a la prédiction. Ce mécanisme enfoui au fond de toi. La prédiction me suit comme une ombre. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction, Corinne Atlan. Adaptation, Juliette Eman. Deuxième épisode. Avec Igor Manjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Alexia Monduit, Sakura. Et les voix d'Arthur Ribaud, Philippe Magnan, Jerry Di Giacomo, Philippe Dormois, René Farabet, Bernard Bouillon, Mustapha Abourachid, Anne Basset, Valia Boulet, Michael Pinelli, Romain Cottard, Marie Mosser. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage, est publié aux éditions Bellefond.